c'est un principe de déviation plutôt de par rapport à ça, parce que c'est en plongeant à la fois dans votre article et dans votre livre qu'il m'est venu un certain nombre de réflexions au sujet du dictionnaire lui-même et est-ce qu'il pouvait éventuellement manquer comme type d'entrée, notamment. Au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, ce qui manque aussi, c'est la notion de critique philosophique de la religion, critique de la religion. Il n'y a pas d'entrée critique de la religion. Le prendre aussi comme un phénomène culturel, sociologique, historique, déterminant. Je suis arrivé à ça parce que, enfin, pour plusieurs choses, parce que j'ai essayé justement de comprendre ce que signifie la notion de religion intellectuelle, justement. Pas seul. Enfin, un point de vue sociologique qui est le vôtre, mais aussi du point de vue philosophique qui serait le vôtre, j'en sais rien. Et je voyais en fait trois choses. Je voyais la religion intellectuelle comme la religion des intellectuels. C'était une première chose, c'est-à-dire on a l'impression, notamment lisant les chapitres consacrés à Lévinas, l'idée qu'il y a un usage du motif religieux pour constituer une philosophie. Et que cet usage du motif religieux est aussi un usage stratégique, ou il peut être envisagé comme un usage stratégique, comme si l'invention d'une philosophie répondait aussi à des motifs stratégiques de placement sur le marché académique, sur le marché des intellectuels, sur le marché social en général. Donc, comment on invente une philosophie avec du religieux pour se faire une place au soleil, voilà, c'est ça aussi que ça signifie. Ce qui laisse évidemment planer un doute sur la signification même des discours philosophiques, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire que ça en disqualifie le sens, ça répond à une stratégie sociale. Donc c'est sa signification cognitive, comme disaient les néo-positivistes, est assez limitée dans ce cas-là. La deuxième chose, c'est une posture, enfin un type de religiosité qui est affine justement avec la position des intellectuels. Alors vous revenez notamment sur, vous venez de le signaler, sur un certain type de posture, trait du monde ou choses comme ça, mais il y a aussi dans votre livre quelque chose comme une espèce d'aristocratisme intellectuel qui se traduit justement dans ce type de religiosité, hein, on ne va pas dire un mépris du sens commun du vulgaire, bref, comme un mode d'expression d'une situation sociale des intellectuels, et particulièrement des philosophes, à la fois dominés et en recherche d'autorité. Enfin, il y a une troisième chose, la philosophie elle-même comme discours religieux, ou avec des affinités avec le discours religieux dont témoignerait, j'imagine, son statut épistémologique un peu branlant ou un peu discutable, c'est-à-dire infalsifiable, et des contenus explicitement anti-scientistes, une haine de l'objectivisme, qui explique aussi à la fois la récupération de motifs religieux et la constitution de discours philosophiques semi-religieux, et pas simplement la parole oraculaire du dernier Heidegger. C'est, d'une certaine manière, il y a beaucoup de philosophies qui répondraient à ce dérapage hors des critères de l'objectivité scientifique, de la signification cognitive, etc. Donc, finalement, on a l'impression qu'au bout d'un moment, c'est tout le discours philosophique lui-même qui est finalement une crypto-religion, enfin, un discours religieux qui... Et alors, ça m'a tellement agacé, à dire vrai, cette manie, que je me suis dit, il y a quand même une tradition franchement critique, pas seulement anticléricale, mais anti-religieuse, et de la philosophie qui se constitue comme telle. Et c'est ça qui m'a amené aussi, et en revenant aussi sur cet éternel si du tournant du tournant théologique de la phénoménologie. J'aurais bien voulu d'ailleurs revenir un tout petit peu sur ça à propos de Lévinas, c'est-à-dire du jugement de Génico à propos de Lévinas, parce que le jugement de Génico sur Lévinas, il est ambivalent en fait, hein, parce qu'il consiste aussi à dire en fait ce qu'il a dans la ligne dans sa ligne de mire, c'est essentiellement Chrétien, Marion, Henri, mais c'est pas Lévinas, en fait. C'est pas exactement Lévinas, me semble-t-il, parce qu'il dit, en fait, Lévinas, au moins, il a le mérite de reconnaître qu'il sort de la phénoménologie en brisant le principe de l'intentionnalité, en faisant émerger une catégorie comme celle du visage qui est en dehors de l'intentionnalité, en dehors du voir phénoménologique, où il reconnaît qu'il est en train de sortir des gonds de la phénoménologie. En revanche, ce qui est franchement pervers, c'est Marion, Chrétien, Henri, qui eux font de la phénoménologie du divin, et là c'est pas acceptable. Bon, bref, peu importe. Et du coup, je me suis dit, parce que là aussi, le jugement sur Lévinas, c'est-à-dire en fait les rapports entre philosophie et religion de ce point de vue-là, et la crispation que ça peut provoquer, pas seulement chez Génico, mais chez un certain nombre d'autres philosophes, fournit un cas exemplaire du rapport pas jamais réglé entre philosophie et religion, à la fois du soupçon théologique du soupçon de théologie qui porte sur la philosophie, et en même temps de la posture raide de la philosophie à l'égard de la religion, héritée d'un socle fondamentalement critique, quoi, et d'ailleurs pas seulement moderne, antique, enfin vraiment un des premiers socles fondateurs de la philosophie, c'est quand même une critique violente de la religion, c'est celle de Lucrèce, c'est celle d'Épicure, en fait c'est quand même bon, voilà. Et donc j'ai essayé juste de jeter un coup d'œil. Alors c'est juste des indications sur ce que pourrait être une entrée sur critique philosophique de la religion, ou critique de la religion par la philosophie, parce que ça impliquerait trois choses. La critique de la religion proprement dite, la critique de la critique de la religion, c'est-à-dire la critique philosophique de la critique philosophique de la religion, parce que ça c'est un motif aussi essentiel. Je ne pense pas simplement à Marx contre Feuerbach ou les Hegeliens de gauche par exemple, mais aussi à Nietzsche, par exemple, qui critique la critique scientiste de la religion, ou la critique positiviste de la religion, au nom justement d'une critique de la raison, qui a un motif très important, très intéressant, me semble-t-il, de critique à la fois rationaliste de la critique rationaliste de la religion, et de critique anti-rationaliste de la critique rationaliste de la religion. Et il y a des quantités de modèles qui peuvent s'emboîter les uns dans les autres, et ça permet de retracer une histoire. Puis il y a une troisième chose qui est une autocritique de la philosophie elle-même, c'est-à-dire une autocritique de la crypto-théologie que véhiculerait la philosophie. Alors dans le premier truc, je vais aller très vite, parce que je veux pas du tout monopoliser la parole. Dans le premier point, donc la première chose de la critique de la religion, c'est l'idée d'une critique philosophique de la religion en tant que fondement de la modernité, et telle que c'est interprété notamment par Léo Strauss ou par Blumenberg, comprendre quelle est la place de la critique philosophique de la religion dans la construction de la modernité, en tout cas de la modernité européenne, voir ce que ça signifie, voir la place que ça joue. Et dans ce cas-là, il y a deux choses, me semble-t-il. Il y a les modalités techniques de la critique de la religion telle qu'elle se constitue dans la modernité, donc les règles d'interprétation, les statuts de l'écriture, ça c'est Hobbes, c'est Spinoza, une critique des miracles, la critique des mystères, la critique de la foi, la critique des contenus religieux, l'agenda moral qui accompagne les lumières radicales de ce point de vue-là, c'est-à-dire un agenda moral et politique, d'où une critique qui n'est pas simplement une critique philosophique de la religion, mais une critique anticléricale, par exemple, l'idée qu'au bout d'un moment, c'est typique des lumières, au XVIIIe siècle, par exemple, au bout d'un moment, finalement, les critiques de type métaphysique sont plus tellement intéressantes, il ne s'agit plus de savoir si, exactement si Dieu existe ou s'il n'existe pas, ou si la religion est vraie ou pas, mais la critique, elle porte sur les effets de la religion, elle porte sur la tutelle la tutelle théologique, sur le pouvoir des prêtres, bref, c'est un agenda politique, en fait, qui guide la critique philosophique de ce point de vue-là. Et une deuxième chose qui me paraît intéressante aussi à observer, c'est les modalités discursives de cette critique et l'évolution de ces modalités discursives. Ça me paraît intéressant précisément parce que, en fait, par contamination, ça oblige le discours religieux lui-même, le discours théologique, mais pas simplement la théologie, l'apologétique aussi, ça oblige le discours religieux à intégrer un certain nombre de principes discursifs ou argumentatifs, tout simplement pour répondre à ces types de critiques. Donc ça modifie aussi les structures discursives du discours religieux. structure du discours religieux. Et là aussi, il y a des choses très très intéressantes, parce que il y a des critiques de type démonstratif, de type argumentative, enfin, des critiques philosophiques de type démonstratif, argumentative, mais c'est pas les seuls instruments qui sont utilisés par la critique philosophique. Je pense à quelqu'un comme Shaftesbury, par exemple, qui dit, ou même Voltaire, mais surtout Shaftesbury, parce que c'est lui qui lance ça, qui dit, bon, en fait, la seule véritable, enfin, il le dit implicitement, justement, parce que ça aussi, l'explicite et l'implicite dans la critique de la religion, c'est particulièrement important, c'est-à-dire les discours cryptés ou les discours frontaux, ça me paraît essentiel. Shaftesbury, par exemple, dit, en fait, la seule véritable bonne arme contre le discours religieux, c'est pas la critique philosophique, c'est pas la critique démonstrative, c'est l'ironie. C'est l'ironie et l'humour. En fait, c'est le ridicule qui emportera la religion. Et ça me paraît très très intéressant, parce que ça motive d'autres types de discours philosophiques. Ils ne sont pas moins philosophiques. Mais c'est des armes discursives complètement différentes. Puis bon, il y a des armes imprécatoires. Enfin, je connais, hein, c'est imprécation contre les chrétiens. Voilà, bref. Donc, ça, c'est le premier ensemble. Le deuxième ensemble, c'est donc la critique de la religion. Et là, il y a trois choses, me semble-t-il, à trois directions. Il y a une critique de la critique philosophique de la religion, il y a une critique anti-rationaliste, il y a une critique anti-lumière, simplement une réaction contre les lumières qui a donné naissance à la philosophie de la religion dans l'idéalisme allemand. C'est vraiment une réaction contre le crépuscule des lumières, en l'occurrence. Donc une critique aussi métaphysico-théologique de la critique de la religion par la philosophie. Il y a une deuxième chose, c'est la critique rationaliste, ou au nom de la raison, ou au nom des intérêts de la philosophie, une critique de la critique philosophique. Et là, c'est par exemple, c'est Marx contre Feuerbach, dire, d'une part, faire concentrer les forces de la philosophie dans une critique de la religion, c'est lui faire perdre son temps, puisque la critique du ciel est terminée, maintenant ce qu'il faut faire, c'est la critique de la terre. Donc on en a fini de toute manière avec le religieux, il faut consacrer les forces philosophiques à autre chose, c'est-à-dire à faire la critique de la terre. La deuxième chose, même soupçon porté sur Feuerbach, en fait, quand on fait une critique de la religion, on réinvestit le religieux, d'abord on lui donne un poids qu'il n'a plus, et puis on réinvestit des catégories théologiques massivement, c'est typiquement l'essence du christianisme de Feuerbach, en fait, c'est de la crypto-théologie toujours, en fait, pour aboutir à une religion de l'humanité. Et puis il y a une troisième tendance, une troisième direction, c'est la critique de la raison occidentale, instrumentale, qui serait à l'œuvre dans la critique de la religion. Donc on démonte, cette fois-ci, c'est tout l'héritage de Nietzsche, bien sûr, mais c'est l'héritage postmoderne de Nietzsche de ce point de vue-là, ce qui permet d'une certaine manière de réinvestir des motifs religieux, effectivement, c'est le cas dans une bonne partie de cette postmodernité tant détestée. Et puis, donc, la troisième chose, c'est, et j'insiste sur un seul point, parce que je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, en lisant votre livre, en fait, ça m'a rappelé un motif qu'on trouve exemplairement chez Hume, d'une critique de la religion philosophe. Et il y a une manière qu'a la philosophie, et qu'a la philosophie de la religion, d'interroger les catégories, c'est-à-dire d'interroger la manière dont la philosophie a pensé la religion jusque-là. Et la manière dont elle a produit une religion intellectuelle ou une image intellectuelle de la religion. Et ça me paraît un motif aussi essentiel. Parce que toute l'histoire de la philosophie de la religion, à partir de la moitié du XVIIIe siècle jusqu'à au moins la phénoménologie de la religion, n'a pas cessé de revenir sur cette critique de l'image philosophique de la religion. Et je pense à ça à propos de Hume, parce que notamment dans l'histoire l'histoire naturelle de la religion, mais aussi dans les dialogues sur la religion naturelle, il y a un motif très simple, très ironique aussi chez Hume, qui consiste à dire, bon, alors il y a le couple religion savante, religion populaire, qui l'utilise lui-même, mais il y a cette ironie terrible de Hume à l'égard de la religion de philosophe, c'est-à-dire d'abord de la religion naturelle, et puis de cette religion d'un groupe de lettrés qui peut inventer une religion ou un type de religiosité pacifiée, tout simplement parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sont oisifs, ils sont dans un état pacifié, ils sont confortablement installés dans leur bureau, ils gagnent bien leur vie, ils ne sont menacés par aucune urgence vitale, et donc ils peuvent produire une religion de philosophe, et c'est exactement ce que vise mais c'est très intéressant parce qu'il montre évidemment comment on construit des images de la divinité. Évidemment, quand on est à l'aise dans le monde, quand on est à l'aise dans son bureau, bah, on pense à un dieu grand architecte. On ne pense pas à un dieu méchant, souverain, puissant, etc. Non, on pense à un dieu harmonieux. Quand on est plutôt à l'aise dans l'existence, on voit que le monde est ordonné. Donc on pense qu'il y a un grand architecte, forcément. Et c'est toute une critique de Hume qui est en fait quasiment à la fois anthropologique et sociologique, qui est essentielle en fait pour relancer quelque chose comme une philosophie de la religion. Et on pourrait retrouver, il y a des jalons dans l'histoire de la philosophie de la religion, systématiquement cette critique qui reprend soit d'un côté, soit de l'autre, qui reprend les catégories philosophiques utilisées jusque-là pour penser la religion, qui dit mais non, en fait, c'est pas ça du tout la religion, ou ça, c'est vraiment l'image. Pas que chez les philosophes, mais en grande partie, c'est systématiquement chez les philosophes qu'on trouve oui, mais ça, c'est vraiment une religion de philosophes. On trouve systématiquement et le motif, par exemple, qui a fondé la phénoménologie de la religion, à partir de Otto, à partir de même. Enfin, à partir de Van der Leu, par exemple, c'est dire, bon, encore une fois, c'est une image théorique de la religion, il faut revenir au Dieu vivant. Alors, c'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est le Dieu vivant, ou c'est le Dieu de la religion vivante, et c'est cette religion-là qu'il faut penser. Et donc, à chaque fois, on revient, il y a un motif autocritique de la religion là-dessus, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que ça n'a pas simplement des impacts, des effets sur le petit monde interne de la philosophie de la religion, mais ça a des effets aussi sur les discours religieux qui les entourent et auxquels ils s'avancent. Voilà, il y a deux, trois autres trucs, mais c'était à peu près les pistes qui me paraissaient intéressantes de suivre.